bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et mon nom est Jimmy Farley, et je serai avec vous pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre Achelas du Maroc, Gérald Massoy de la France, Pattern Seeking Animals des États-Unis, Riverside de Pologne, Untold Stories de Bulgarie, Naxatras de la Grèce, The Lab Experience du Brésil, Evron d'Allemagne, Submarine Silence d'Italie, Gong, qui est une formation multinationale, et on va conclure avec les Britanniques Khan. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait entendre un artiste français que je venais de découvrir. Son nom est Gérald Massoy. Et j'y reviens cette semaine avec un deuxième extrait de son album intitulé « Demain à l'aube ». C'est un album concept assez généreux avec 9 pièces pour un total de 66 minutes de prog symphonique. Mais auparavant, nous allons entendre le groupe marocain Achelas avec deux chansons extraites de l'album « Echoes of Virtue » qui est paru cet automne. Out in sea, I came untrue to meet you there and tell you that your life is unfair. You would have to know existence bound. Don't you? êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter ce deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui, j'y vais avec un album qui est très attendu. Il s'agit de l'album Friends of All Creatures du groupe américain Pattern Seeking Animals. Je rappelle que c'est leur sixième album depuis leur tout début en 2019. Ça sera suivi de Riverside, qu'on a aussi entendu la semaine dernière, et je vous promets un extrait de leur album ID, qui a été enregistré en spectacle l'an dernier. Alors, la pièce que j'ai choisie s'intitule Conceiving You. Alors, on y va avec Pattern Seeking Animals des États-Unis. There are things that we can't see, like oxygen, like gravity. And as we breathe, we're swayed by hidden forces. Seeing the horses in the sky, I knew one day they'd learn to fly. Riders take the reins, we're leaving soon. Down the road, the dogs run free, faithful, aging gracefully. We raise our glasses high and toast the moon. Thank you. the trees. But when the seasons changed, the reasons finally came to be. Old-time religion's failing me. We live in stranger times, with none so blind as those who will not see. And if the stars rain down around us, hold the line, my friend, it's not the end. If one by one the wolves surround us, hold the line, my friend, it's not the end. And when the sun shines down on me, awaken to the day and make my way in breath. The final show, the orchestra begins.

Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce troisième bloc de l'émission d'aujourd'hui, nous allons entendre des artistes qui viennent d'un peu partout sur la planète prog, en commençant avec Untold Stories de la Bulgarie, avec un extrait de leur premier album Wind and Memory qui vient tout juste de paraître. Puis je rappelle que la Bulgarie, c'est pas le pays le plus productif en termes de rock progressif. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, depuis que je compile la base de données de Rock de Neurones, qui aujourd'hui se situe autour de 25 500 artistes, la Bulgarie en compte 41. Alors, c'est un peu exceptionnel qu'on ait de la musique encore aujourd'hui de ce pays-là. Ça sera suivi du groupe Naxatras de la Grèce avec deux extraits de leur album intitulé simplement 5 qui vient aussi de sortir. Et ensuite, on va conclure avec un groupe du Brésil qui est un nouveau groupe et son nom est The Lab Experience. Alors, on débute ça avec Untold Stories. No longer we may roam. à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui. Avec des vieux routiers du metal heavy progressif allemand, il s'agit du groupe Evron qui vient de lancer l'album Shells. Ça, c'est leur 8e en carrière depuis leur début en 1993. Ça sera suivi du groupe italien Submarine Silence qui viennent tout juste de lancer un nouvel album qui s'intitule Atonement of a Former Sailor Turned Panther. Et on va terminer avec deux groupes légendaires du rock progressif. On aura Gong et ensuite Khan. Et l'extrait de Gong que j'ai choisi, c'est I See You, qui est paru en 2014. Et ça va être suivi de la pièce titre du seul album de Khan, je l'appelle K-H-A-N, qui est paru en 1972. L'album s'intitule Space Shanty, qui, soit dit en passant, fait partie de mon top 10 de tous les temps. Said. eternal wheel spins. Thank you. secure outside this dream. Starstruck moon man looks so blind. You're still a slave within your mind. All this time you have not guessed where. Confused.